calmer comme avant. Ouais, tout passe, ouais, comme le vent. Mais plus rien ne sera jamais comme avant. Et ça fait des années, c'est plus négociable. Mer Méditerranée, jusqu'aux dunes de sable. Avec tous les millions qui mettent dans les sacs. Avec tous les millions. Il faudrait des années pour arranger ça. Y'a quelque chose qu'on a raté, je ne vois que ça. On n'a plus de sentiments, juste un grain de sable. C'est plus négociable. J'ai souffert sans témoin, Dieu le sait. Ils ont modifié les gens qu'on était. On travaille tout en veillant. L'orage est effrayant. On sourit tout en saignant, terre blessée. Ils nous prennent tous les diamants par excès. Et ceux qui étaient témoins, on les sait. Les sourires sont payants. Mais tout passe, ouais, comme le vent. Mais plus rien ne sera jamais comme avant. Mais tout passe, ouais, comme le vent. Mais plus rien ne sera jamais comme avant. Et ça fait des années, c'est plus négociable. Mer Méditerranée. Avec tous les millions qui mettent dans les sacs. Avec tous les millions. Il faudrait des années pour arranger ça. Y'a quelque chose qu'on a raté, je ne vois que ça. On n'a plus de sentiments, juste un grain de sable. C'est plus négociable. Mais tout passe, ouais, mais comme le vent. Mais plus rien ne sera jamais comme avant. Mais tout passe, ouais, mais comme le vent. Mais plus rien ne sera jamais comme avant. Il faudrait des années pour arranger ça, y'a quelque chose qu'on a raté, je ne vois que ça. On a plus de sentiments, juste un grain de sable, c'est plus négociable. Et ça fait des années, c'est plus négociable.